Quatrième lettre. Un manuscrit des archives. Angélique de Longueval. Voyage à Compiègne. Histoire de la grand-tante de l'abbé de Bucquoy. J'ai eu l'idée d'aller aux archives de France où l'on m'a communiqué la généalogie authentique des Bucquoy. Leur nom patronyme est Longueval. En compulsant les dossiers nombreux qui se rattachent à cette famille, j'ai fait une trouvaille des plus heureuses. C'est un manuscrit d'environ 100 pages, au papier jauni, à l'encre déteinte, dont les feuilles sont réunies avec des faveurs d'un rose passé, et qui contient l'histoire d'Angélique de Longueval. J'en ai pris quelques extraits que je tâcherai de lier par une analyse fidèle. Une foule de pièces et de renseignements sur les Longueval et sur les Bucquoy m'ont renvoyé à d'autres pièces, qui doivent exister à la bibliothèque de Compiègne. Le lendemain était le propre jour de la Toussaint. Je n'ai pas manqué cette occasion de distraction et d'étude. La vieille France provinciale est à peine connue, de ses côtés surtout, qui cependant font partie des environs de Paris. Au point où l'Île-de-France, le Valois et la Picardie se rencontrent, divisés par l'Oise et l'Aisne, au cours si lent et si paisible, il est permis de rêver les plus belles bergeries du monde. La langue des paysans eux-mêmes est du plus pur français, à peine modifiée par une prononciation où les dissonances des mots montent au ciel à la manière du chant de l'alouette. Chez les enfants, cela forme comme un ramage. Il y a aussi dans les tournures de phrases quelque chose d'italien, ce qui tient sans doute au long séjour qu'ont fait les Médicis et leur suite florentine dans ces contrées, divisées autrefois en apanages royaux et princiers. Je suis arrivé hier soir à Compiègne, poursuivant les Bucquoy sous toutes les formes, avec cette obstination lente qui m'est naturelle. Aussi bien les archives de Paris, où je n'avais pu prendre encore que quelques notes, eussent été fermées aujourd'hui, jour de la Toussaint. À l'hôtel de la Cloche, célébré par Alexandre Dumas, on menait grand bruit ce matin. Les chiens aboyaient, les chasseurs préparaient leurs armes. J'ai entendu un piqueur qui disait à son maître « Voici le fusil de monsieur le marquis. » Il y a donc encore des marquis. J'étais préoccupé d'une toute autre chasse. Je m'informais de l'heure à laquelle ouvrait la bibliothèque. Le jour de la Toussaint, me dit-on, elle est naturellement fermée. Et les autres jours? Elle ouvre de 7 heures du soir à 11 heures. Je crains de me faire ici plus malheureux que je n'étais. J'avais une recommandation pour l'un des bibliothécaires, qui est en même temps un de nos bibliophiles les plus éminents. Non seulement il a bien voulu me montrer les livres de la ville, mais encore les siens, parmi lesquels se trouvent de précieux autographes, tels que ceux d'une correspondance inédite de Voltaire, et un recueil de chansons mises en musique par Rousseau, et écrites de sa main, dont je n'ai pu voir sans attendrissement la belle et nette exécution, avec ce titre ancienne chanson sur de nouveaux airs. Voici la première dans le style marotique. Celui plus je ne suis que j'ai jadis été, et plus ne serai jamais l'être. Mon doux printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre, etc. Cela m'a donné l'idée de revenir à Paris par Ermenonville, ce qui est la route la plus courte comme distance et la plus longue comme temps, bien que le chemin de fer fasse un coude énorme pour atteindre Compiègne. On ne peut parvenir à Ermenonville ni s'en éloigner sans faire au moins 3 lieues à pied. Pas une voiture directe. Mais demain, jour des morts, c'est un pèlerinage que j'accomplirai respectueusement, tout en pensant à la belle Angélique de Longueval. Je vous adresse tout ce que j'ai recueilli sur elle aux archives et à Compiègne, rédigé sans trop de préparation, d'après les documents manuscrits, et surtout d'après ce cahier jauni, entièrement écrit de sa main, qui est peut-être plus hardi étant une fille de grande maison que les confessions mêmes de Rousseau. Angélique de Longueval était fille d'un des plus grands seigneurs de Picardie. Jacques de Longueval, comte de Haraucourt, son père, conseiller du roi en ses conseils, maréchal de ses camps et armées, avait le gouvernement du Châtelet et de Clermont en Beauvoisis. C'était dans le voisinage de cette dernière ville, au château de Saint-Rimbaud, qu'il laissait sa femme et sa fille, lorsque le devoir de ses charges l'appelait à la cour ou à l'armée. Dès l'âge de 13 ans, Angélique de Longueval, d'un caractère triste et rêveur, n'ayant goût, comme elle le disait, ni aux belles pierres, ni aux belles tapisseries, ni aux beaux habits, ne respirait que la mort pour guérir son esprit. Un gentilhomme de la maison de son père en devint amoureux. Il jetait continuellement les yeux sur elle, l'entourait de ses soins, et bien qu'Angélique ne sût pas encore ce que c'était qu'amour, elle trouvait un certain charme à la poursuite dont elle était l'objet. La déclaration d'amour que lui fit ce gentilhomme resta même tellement gravée dans sa mémoire que 6 ans plus tard, après avoir traversé les orages d'un autre amour, des malheurs de toutes sortes, elle se rappelait encore cette première lettre et la retraçait mot pour mot. Qu'on me permette de citer ici ce curieux échantillon du style d'un amoureux de province au temps de Louis XIII. Voici la lettre du premier amoureux de mademoiselle Angélique de Longueval. Je ne m'étonne plus de ce que les simples, sans la force des rayons du soleil, n'ont nulle vertu, puisqu'aujourd'hui j'ai été si malheureux que de sortir sans avoir vu cette belle aurore, laquelle m'a toujours mis en pleine lumière, et dans l'absence de laquelle je suis perpétuellement accompagné d'un cercle de ténèbres, dont le désir d'en sortir, et celui de vous revoir, ma belle, m'a obligé, comme ne pouvant vivre sans vous voir, de retourner avec tant de promptitude, afin de me ranger à l'ombre de vos belles perfections, l'aimant desquelles m'a entièrement dérobé le cœur et l'âme. Larcin, toutefois, que je révère, en ce qu'il m'a élevé en un lieu si saint et si redoutable, et lequel je veux adorer toute ma vie, avec autant de zèle et de fidélité que vous êtes parfaite. Cette lettre ne porta pas bonheur au pauvre jeune homme qui l'avait écrite. En essayant de la glisser à Angélique, il fut surpris par le père, et mourait à 4 jours de là, tué l'on ne dit pas comment. Le déchirement que cette mort fit éprouver à Angélique lui révéla l'amour. 2 ans entiers, elle pleura. Au bout de ce temps, ne voyant, dit-elle, d'autre remède à sa douleur que la mort ou une autre affection, elle supplia son père de la mener dans le monde. Parmi tant de seigneurs qu'elle y rencontrerait, elle trouverait bien, pensait-elle, quelqu'un à mettre en son esprit à la place de ce mort éternel. Le comte d'Haraucourt ne se rendit pas, selon toute apparence, aux prières de sa fille, car parmi les personnes qui s'éprirent d'amour pour elle, nous ne voyons que des officiers domestiques de la maison paternelle. 2, entre autres, monsieur de Saint-Georges, gentilhomme du comte, et Fargue, son valet de chambre, trouvèrent dans cette passion commune pour la fille de leur maître une occasion de rivalité, qui eut un dénouement tragique. Fargue, jaloux de la supériorité de son rival, avait tenu quelques discours sur son compte. Monsieur de Saint-Georges l'apprend, appelle Fargue, lui remontre sa faute, et lui donne en fin de compte tant de coups de plat d'épée que son arme en reste tordue. Plein de fureur, Fargue parcourt l'hôtel, cherchant une épée. Il rencontre le baron d'Haraucourt, frère d'Angélique. Lui arrachant son épée, il court la plonger dans la gorge de son rival, que l'on relève expirant. Le chirurgien n'arrive que pour dire à Saint-Georges « Criez, merci à Dieu, car vous êtes mort ». Pendant ce temps, Fargue s'était enfui. Tels étaient les tragiques préambules de la grande passion qui devaient précipiter la pauvre Angélique dans une série de malheurs. Histoire de la grand-tante de l'abbé de Bucquoy. Voici maintenant les premières lignes du manuscrit. Lorsque ma mauvaise fortune jura de continuer à ne plus me laisser en repos, ce fut un soir à Saint-Rimaud, par un homme que j'avais connu il y a plus de 7 ans, et pratiqué 2 ans entiers sans l'aimer. Ce garçon, étant entré dans ma chambre, sous prétexte du bien qu'il voulait à la demoiselle de ma mère nommée Beauregard, s'approcha de mon lit en me disant « Vous plaît-il, madame ?» et en s'approchant de plus près, me dit ces paroles « Ah, que je vous aime, il y a longtemps !» Auxquelles paroles je répondis « Je ne vous aime point, je ne vous hais point aussi. Seulement allez-vous-en, de peur que mon papa ne sache que vous êtes ici à 16 heures. » Le jour étant venu, je cherchais incontinent l'occasion de voir celui qui m'avait fait la nuit sa déclaration d'amour. Et le considérant, je ne le trouvais haïssable que de sa condition, laquelle lui donna tout ce jour-là une grande retenue, et il me regardait continuellement. Tous les jours en suivant se passèrent avec de grands soins, qu'il prenait de s'ajuster bien pour me plaire. Il est vrai aussi qu'il était fort aimable, et que ses actions ne procédaient pas du lieu d'où il était sorti, car il avait le cœur très haut et très courageux. Ce jeune homme, comme nous l'apprend le récit d'un père célestin, cousin d'Angélique, se nommait La Corbinière, et n'était autre que le fils d'un charcutier de Clermont-sur-Oise, engagé au service du comte d'Haraucourt. Il est vrai que le comte maréchal des camps et armé du roi avait monté sa maison sur un pied militaire, et chez lui les serviteurs, portant moustache et éperon, n'avaient pour livrée que l'uniforme. Ceci explique jusqu'à un certain point l'illusion d'Angélique. Elle vit avec chagrin partir la Corbinière, qui s'en allait à la suite de son maître, retrouvé à Charleville Monseigneur de Longueville, malade d'une dysenterie. Triste maladie, pensait naïvement la jeune fille, triste maladie, qui l'empêchait de voir celui dont l'affection ne lui déplaisait pas. Elle le revit plus tard à Verneuil. Cette rencontre se fit à l'église. Le jeune homme avait gagné de belles manières à la cour du duc de Longueville. Il était vêtu de draps d'Espagne gris de perles, avec un collier de points coupés et un chapeau gris, orné de plumes gris de perles et jaunes. Il s'approcha d'elle un moment sans que personne le remarquât, et lui dit « Prenez, madame, ces bracelets de senteur que j'ai apportés de Charleville, où il m'a grandement ennuyé. » la corbinière reprit ses fonctions au château. Il feignait toujours d'aimer la chambrière Beauregard et lui faisait accroire qu'il ne venait chez sa maîtresse que pour elle. « Cette simple fille, dit Angélique, le croyait fermement. » Ainsi nous passions 2 ou 3 heures à rire, tous trois ensemble, tous les soirs, dans le donjon de Verneuil, en la chambre tendue de blanc. La surveillance et les soupçons d'un valet de chambre nommé Dourdilly interrompit ses rendez-vous. Les amoureux ne purent plus correspondre que par lettres. Cependant, le père d'Angélique, étant allé à Rouen pour retrouver le duc de Longueville, dont il était le lieutenant, la corbinière s'échappa la nuit, monta sur une muraille par une brèche, et arrivée près de la fenêtre d'Angélique, jeta une pierre à la vitre. La demoiselle le reconnut et dit, en dissimulant encore à sa chambrière Beauregard, « Je crois que votre amoureux est fou. Allez vilement lui ouvrir la porte de la salle basse qui donne dans le parterre, car il y est entré. Cependant, je vais m'habiller et allumer de la chandelle. » Il fut question de donner à souper au jeune homme, lequel ne fut que de confiture liquide. Toute cette nuit, ajoute la demoiselle, nous la passâmes tous trois à rire. Mais ce qu'il y eut de malheureux pour la pauvre Beauregard, c'est que la demoiselle et la corbinière se riaient surtout en secret, de la confiance qu'elle avait d'être aimée de lui. Le jour venu, on cacha le jeune homme dans la chambre dite du roi, où jamais personne n'entrait. Puis, à la nuit, on l'allait quérir. Son manger, dit Angélique, fut ces 3 jours de poulet frais que je lui portais entre ma chemise et ma cotte. La corbinière fut forcée enfin d'aller rejoindre le comte, qui alors séjournait à Paris. Un an se passa pour Angélique, dans une mélancolie, distraite seulement par les lettres qu'elle écrivait à son amant. « Je n'avais pas d'autre divertissement, dit-elle, car les belles pierres, ni les belles tapisseries et les beaux habits, sans la conversation des honnêtes gens, ne me pouvaient plaire. Notre revue fut à Saint-Rimaud, avec des contentements si grands que personne ne peut le savoir que ceux qui ont aimé. Je le trouvais encore plus aimable dans cet habit, qu'il avait d'écarlate. Les rendez-vous du soir recommencèrent. Le valet d'Ourdilly n'était plus au château, et sa chambre était occupée par un fauconnier nommé Lavigne, qui faisait semblant de ne s'apercevoir de rien. Les relations se continuèrent ainsi, toujours chastement du reste, et ne laissant regretter que les mois d'absence de la corbinière forçaient souvent de suivre le comte au lieu où l'appelait son service militaire. « Dire, écrit Angélique, tous les contentements que nous eûmes en 3 ans, de temps en France, il serait impossible. » Un jour, la corbinière devint plus hardie. Peut-être les compagnies de Paris l'avaient-elles un peu gâté. Il entra dans la chambre d'Angélique fort tard. Sa suivante était couchée à terre, elle dans son lit. Il commença par embrasser la suivante d'après la supposition habituelle, puis il lui dit « Il faut que je fasse peur à madame. » Alors, ajoute Angélique, comme je dormais, il se glissa tout d'un temps en mon lit, avec seulement un caleçon. Moi, plus effrayée que contente, je le suppliais par la passion qu'il avait pour moi de s'en aller bien vite, parce qu'il était impossible de marcher ni de parler dans ma chambre que mon papa ne l'entendît. J'eus beaucoup de peine à le faire sortir. L'amoureux, un peu confus, retourna à Paris. Mais à son retour, l'affection mutuelle s'était encore augmentée, et les parents en avaient quelques soupçons vagues. La corbinière se cacha sous un grand tapis de Turquie, recouvrant une table. Un jour que la demoiselle était couchée dans la chambre dite du roi, et vint se mettre près d'elle, 50 fois elle le supplia, craignant toujours de voir son père entrer. Du reste, même endormis l'un près de l'autre, leur caresse était pure.